Section 18 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 18. Croquis de janvier. Par Gustave Geffroy. Chapitre 3. Jouer. La semaine est au jouet. Paris est envahi par les lilliputs de bébés, soldats, paysans, polichinelles, pierrots, clowns, animaux de ménagerie et de ferme qui grouillent chez les petits fabricants, dont l'usine occupe un coin de chambre, dans la plupart des hautes et noires maisons, situées entre la rue Saint-Martin et la rue Vieille du Temple. Les parcs, les vacheries modèles, les vaisseaux de haut bord, canons braqués et chaloupes accrochées, les forteresses assaillies, les théâtres, les locomotives, les salons capitonnés, les cuisines reluisantes, tout cela minuscule, fait pour être mis à hauteur de bébé, pour être manié par des petits doigts frêles. Tout ce monde en miniature occupe les boutiques luxueuses et les baraques qui couvrent Paris d'un campement improvisé. Les bazars à deux étages et les éventaires tenus en équilibre sur la main d'un camelot. L'ancien jouet, le jouet français à bon marché, taillé au couteau, enluminé comme les images d'Épinal, ce jouet-là semble en baisse. Il disparaît des étalages savamment composés. On ne place plus ces couleurs franches qui poissaient les doigts et les lèvres à côté des jouets. Ou plutôt des bibelots modernes, nuancés comme des tableaux de genre. C'est pourtant la simplicité des lignes, la naïveté des colorations, qui me semble devoir être offerte à l'intelligence naissante de l'enfant. C'est commettre un non-sens que de lui donner à regarder et à manier des mécaniques compliquées et des objets d'un art raffiné, alors qu'il ne fait que commencer à voir et à toucher. Aux jouets scientifiques, aux jouets artistiques, je préfère la jolie chose sans utilité et sans solennité, qu'on appelle le joujou. L'enfant aura le temps d'étudier quand son cerveau aura grossi et pourra supporter la fatigue de l'attention et de l'effort. Les yeux des petits de 5 ans n'ont pas besoin de fixer les pages d'un livre. Leur front tendre et duveteux ne doivent pas être voilés par la migraine. C'est changer un plaisir, en peine que de donner aux petites menottes, bonnes pour crever la peau d'âne et des animaux de carton, des engrenages à faire marcher, des machines à remonter. Laissez donc les jeux géographiques, les jeux de patience à signification et à légende, les téléphones et les photographies, et donnez à la petite fille le service en zinc et en faïence, dans lesquelles elle fera la dînette avec sa poupée. Au petit garçon, le cheval couleur lit de vin, au naseau en feu, à la crinière droite, comme celle des bêtes solides, qui galopaient dans la procession des Panathénées. Le jouet est une distraction. Si l'on confond son objet avec celui de l'étude, on risque fort de dégoûter l'enfant de cette dernière. On aurait tort de vouloir identifier l'amusement procuré par le jouet avec les leçons de choses réclamées par tous ceux qui veulent, avec infiniment de raison, réformer la pédagogie actuelle. La leçon de choses a précisément pour but de rendre l'enseignement clair, intéressant, amusant si l'on veut. Il vaut mieux transporter, dans la mesure nécessaire, le jouet dans la classe, que de faire de la récréation un complément ennuyeux des heures d'école. Ce qu'il faut à ce petit monde, qui sera la génération agissante de demain, ce sont des occupations faciles et attrayantes, faites pour son goût, qui naît, pour son intelligence qui s'éveille. Ce qu'il faut aux yeux, qui viennent de s'ouvrir, ce sont des formes simples, des couleurs gaies et harmonieuses. Toutes les choses de la vie, qu'il entrevoit intéresse l'enfant. Tout ce qui lui rappelle la vie dans les objets qui l'environnent, lui donne ses plus grosses émotions, éveille au plus haut point son intérêt. Le gamin va jouer au soldat. La petite fille habille sa poupée, non comme elle-même, mais comme sa mère. Son ambition est de servir les dîners. Il n'est pas mauvais que tous les embarras, toutes les conventions, toutes les charges de l'existence fassent naître chez l'enfant des joies et des rires. Une poupée vivante aux yeux vainqueurs fera peut-être un jour souffrir ce bambin. Laissez-le donc être amoureux de la petite femme émaillée, bourrée de sons qu'il embrasse du matin au soir et qu'il couche dévotement avec lui dans son lit au rideau blanc. Cet autre peut tomber sur un champ de bataille. Laissez-le brandir son sabre de bois et envoyer des bouchons avec son pistolet. Cette mignonne petite fille souffrira probablement de la maternité. Qu'elle dorlote donc les bébés qui déteignent sous ses baisers. Que toute cette jeunesse fasse gaiement son apprentissage de la vie. Et ne rions pas trop. Ces jouets sont les emblèmes de nos ambitions et de nos amours. Et surtout, que les parents méticuleux et sévères ne cachent pas les jouets et ne les prêtent pas, par grâce, à des heures intermittentes, aux impatients de joie et de mouvement. Tant pis si les jouets sont trop beaux. Ils ne tarderaient pas à devenir insignifiants. Mieux vaut les briser tout de suite. Il n'est pas mauvais, d'ailleurs, que l'enfant perde le respect et brûle ce qu'il a adoré. Il est d'un esprit hardi et charmant de casser l'idole pour savoir ce qu'il y a dedans, et on ne peut rien offrir de plus scientifique aux méditations enfantines que la déception trouvée au fond du plaisir qui paraissait éternel. Fin de la section 18, lue par Margot.